sera pendant toute la nuit. Parce que moi je t'aime. I love you. Te quiero. Si tu veux venir, on sera seul à la lumière de la lune. Toi et moi, au bord de la mer. On parlera d'amour. Je suis là pour te donner mon cœur. Sign of me to one an illusion. Give me your sweet soul. Doing good to make in the blue sky. Give me your sweet soul. Sign of me to one an illusion. Give me your sweet soul. Doing good to make in the blue sky. Give me your sweet soul. Give me your sweet soul.